Voici le quatrième épisode du podcast des Nous. Hello! Nous sommes aujourd'hui en direct de la Bibliothèque nationale de Montréal. Oui, la grande bibliothèque. C'est super, hein, là? Oui, c'est formidable. L'endroit où on peut se culturer comme on veut. Mm-hmm. Et on peut louer gratuitement des salles. Et oui, nous sommes dans une petite salle aussi grande qu'une cellule. Oui. En plus, on est là en décembre. Wow. Décembre, le mois des grippes, des rhumes et de Noël. Et de la fin de la session des étudiants. Merveilleux. Merveilleux. Un podcast qui fait de vous des nous. Donc, la musique que vous venez d'entendre a été composée par CG Music, un logiciel gratuit de génération de musique programmé par Maciej Biedrzycki. Je suis Laurent. Et Dominique. Nous sommes les Nous. Les Nous. Nous vous présentons ce merveilleux podcast à tous les deux mois. Vous pouvez nous suivre sur le formidable blog au lepodcastdesnous, en un seul mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi utiliser le super web 2.0 avec le forum, en un seul mot toujours, lepodcastdesnous.probb.fr. Et vous pouvez nous joindre par email à, encore une fois en un seul mot, lepodcastdesnous@hotmail.com. On va répondre à vos emails avec bonheur. Est-ce qu'on a reçu des questions de nos formidables auditeurs par email? Encore une fois, on n'en a pas eu. D'accord. Donc, il faut qu'on se trouve une super idée de question. Qu'est-ce que tu penses de Noël? Qu'est-ce que nous pensons de Noël? J'en sais pas trop, toi, à toi, là. Je pense que c'est une fête qui est bien, parce que c'est une occasion pour la famille et les amis de se réunir. Mm-hmm. Ce qui est toujours une bonne chose. Pour ceux qui croient, ça célèbre la religion catholique, le christianisme. Mm-hmm. Mais c'est aussi une fête extrêmement commerciale. Je pense pas qu'il y ait de mauvaise chose à vouloir faire de petits cadeaux à des amis pour leur montrer qu'on les aime. Mm-hmm. Mais faut pas abuser. C'est pas nécessaire d'acheter une voiture. C'est pas nécessaire de se marcher dessus dans les magasins. Ah bien. Toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que c'est quand même un bel événement pour la plupart des gens. C'est sûr que, comme toi, je pense que c'est pas nécessaire de faire des gros cadeaux pour dire à nos proches qu'on les aime. Je pense que c'est plus, ce qui est le plus important, c'est de faire des gestes d'amitié ou d'amour, puis d'essayer d'inclure le plus de personnes possible, parce que Noël, c'est sûr que c'est une fête, mais c'est aussi une période durant laquelle les gens vulnérables peuvent se sentir seuls, puis c'est peut-être ça, l'esprit de Noël, c'est d'accueillir chez soi ou d'accueillir dans son cœur une personne qui vit une vie plus difficile. Oui, c'est une très belle pensée de vouloir aider ceux qui ont besoin d'aide dans cette période. Mm-hmm. Mais aussi, c'est une bonne chose d'aider les gens toute l'année. Oui, tout à fait. Et de manifester toute c'est l'année. C'est important de pas nécessairement juste se résoudre, comme je veux dire, au niveau de la guignolée. Les gens donnent beaucoup d'argent, oui. Ils donnent des aliments pour les gens pour Noël, mais c'est des besoins qui sont nécessaires durant toute l'année. Je veux dire, c'est pas parce que tu comprends un peu ce que je veux dire. Les gens, ils ont fait toute l'année, puis ils ont de la misère à garnir leurs étagères, tout ça. Fait que c'est quelque chose qu'on doit faire à l'année longue, là, donner. C'est bien aussi à l'année longue de manifester qu'on aime les gens, qu'on aime les gens qu'on connaît, qu'on aime notre entourage. Et d'ailleurs, en faisant ce merveilleux podcast, nous démontrons que nous vous aimons. Mm-hmm. Et si vous pouvez aussi nous manifester votre amour en nous envoyant de meilleures questions par email. Ouais. Donc, c'est le joyeux temps de la joyeuse chronique sociale de Dominique. Les nous vous parlent de la société. OK, bien, cette semaine, j'ai décidé de... En fait, ce mois-ci ou ces deux mois-ci, j'ai décidé de traiter de la question de la santé mentale chez les vétérans canadiens, les personnes qui ont vécu la guerre et qui ont été déployées à l'étranger. J'ai d'abord emprunté un livre à la Bibliothèque nationale qui s'appelle « Beyond the Line ». Donc, c'est un livre qui traitait de la question de la santé, en général, de santé physique, mais aussi de santé mentale. Puis, dans l'une des recherches qui ont été effectuées, dans l'une d'elles, on parlait des sujets. Ils ont fait comme une méta-analyse, ça veut dire qu'ils ont recueilli plusieurs... articles, ils les ont analysés. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte dans l'une de ces recherches-là, c'est que les questions de santé mentale, on pouvait en dénombrer des recherches sur la question de la santé mentale, on pouvait en dénombrer plus en 2009, de 2009 jusqu'en 2012 sur le tiers des articles qui ont été épluché, si on veut, là. 76 sur 227 articles traitent du PTSD, c'est le Post-Traumatic Disorder, et sur la question du trauma. Donc, comme je disais, il y a 138 recherches qui ont été analysées. 93 touchaient à la santé psychologique, 36 touchaient à la santé physique, et 9 articles traitaient de la santé sociale, comme on appelle. Cet article-là, la conclusion de cette recherche-là, ça a été que la littérature était limitée au niveau de la question des troubles psychologiques. Puis, on parlait beaucoup dans cette recherche-là du PTSD, du Post-Traumatic Disorder, le désordre post-traumatique. On parlait peu de la dépression, on parlait peu de la consommation de drogue, parce qu'on sait que la drogue et l'alcool sont comme des outils pour les personnes pour comme se guérir, se camoufler le désordre. Justement, la drogue, la souffrance, la dépression, c'est des sujets dont les gens veulent pas parler, ça reste encore assez tabou. Oui. Tout à fait, Laurent. Puis donc, puis on a touché plus ou moins au suicide, puis les questions de suicide. Il faut dire que, si je me rappelle bien l'un des articles du Globe and Mail, il y a eu à peu près 57 suicides au Canada depuis un certain temps-là. Je pense que c'était plus par rapport au retour des personnes qui avaient été déployées en Afghanistan. Donc, comme je dis, il y a peu d'études qui ont été faites pour la dépression. Les soldats qui sont venus, consommation de drogue et suicide. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'était de parler un peu de ce qu'est le syndrome post-traumatique. La définition que je vais vous en donner, c'est celle que l'Association canadienne de la maladie mentale donne. En gros, le syndrome post-traumatique apparaît quand la personne est exposée à des traumas. C'est quoi les traumas? Ça peut être la mort, ça peut être quand quelqu'un fait face à la mort, à des menaces de mort, quand une personne a des blessures importantes. Puis ça peut être aussi à cause de violences de caractère sexuel. Donc ça touche à la vie. Puis à ce moment-là, on est affecté. Donc crime, ça peut être aussi des désastres naturels, puis des guerres. Les symptômes qu'une personne a, c'est une difficulté, mais plutôt de la difficulté de revivre l'expérience. Elle peut avoir des cauchemars. Elle peut aussi avoir des flashbacks, avoir des troubles d'insomnie. La personne peut développer un caractère irritable. Une baisse de concentration. La baisse de concentration, ça c'est comme un peu plus... Ça fait partie des éléments qui touche un peu à la dépression. Puis ça peut être aussi les autres symptômes, c'est l'insensibilité, le fait un peu des fois d'avoir des difficultés à expliquer ses émotions, à vivre ses émotions. Des fois, les gens ils sont comme le corps puis l'esprit, c'est deux. Ça, je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. Fait que des personnes qui reviennent de la guerre, ou de d'autres traumas, ils peuvent avoir des problèmes aussi à vivre dans la réalité ou à avoir des détachements. Puis qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, comme je te disais tantôt, que les moyens pour les personnes pour couper, ça veut dire pas soigner, mais c'est une façon de se médicamenter, c'est l'alcool et les drogues. On s'est rendu compte aussi que les gens, ils vivent pas de la même façon les traumatismes. Ça dépend surtout de la durée d'exposition. Si une personne, par exemple, est sur le théâtre de la guerre, puis ça, pendant combien de temps il va vivre du stress, c'est ça ce qui va être important. Ça peut être aussi le nombre d'événements. T'sais, si il y a plusieurs événements qui l'ont traumatisé, ça dépend aussi de la réaction de chacun. La réaction de chacun ne sera pas la même selon l'événement. Puis aussi, qu'est-ce qui est important, c'est sur le support de la famille au retour. Bon, c'est comme un élément protecteur. Au retour, il y a des moyens de médicamenter ça. L'un de ces moyens-là, c'est le counseling. Donc, le meilleur moyen, ça serait de faire une thérapie cognitivo-comportementale. Ça l'aide à gérer un peu les émotions. Ça peut être aussi le deuxième moyen, ça serait de prendre la médication. Ça serait de consommer sur ordonnance des pilules anti-anxiété, anti-anxiogène. Sinon, ça peut être des antidépresseurs. Puis le troisième moyen, ça serait de suivre des groupes de support. Genre pour les alcooliques anonymes, mais sans être alcoolique nécessairement. Ouais, c'est ça, mais pour des personnes qui ont des problèmes de stress post-traumatique. Il y a une variation dans la terminologie à travers les guerres. Ça, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau, le syndrome post-traumatique. Déjà durant la guerre civile des États-Unis, on appelait la difficulté, le PTSD, comme étant le Soldier's Heart. Durant la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'était le Shell Shock. Le Shell Shock, c'était par rapport aux obus qui venaient frapper les tranchées. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on appelait ça la War Neurosis. Puis durant la guerre du Vietnam, on appelait ça le Combat Fatigue ou Combat Stress Reaction. C'est juste à partir de 1980 qu'on a utilisé l'acronyme PTSD. Mais ça, c'est l'acronyme en anglais. Donc, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui peut venir avec le PTSD, c'est des questions d'anxiété, des questions de dépression, des questions de consommation d'alcool, puis des questions de consommation de drogue. Pas de la cannabis? De cannabis quoi? Cannabis? Mais oui. Mais ça peut être ça, ça pourrait être ça. Donc, mais je pense que ce que j'ai compris, c'est que on peut avoir un PTSD, mais ne pas souffrir nécessairement de dépression ou d'anxiété. on est arrivé aussi à un résultat que 50% des personnes qui ont un problème chronique de PTSD ont des problèmes de dépression. Les problèmes de dépression, c'est souvent parce que la personne se sent coupable d'être revenue. T'sais, ça veut dire pourquoi moi je suis revenu, puis t'sais, mon ami il est mort sous le feu des. Donc c'est une question d'être coupable, une question d'avoir honte, puis d'avoir des remords. Puis qu'est-ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que 50% des hommes avec un PTSD chronique consomment de l'alcool et des drogues. Donc c'est pas mal ça pour cette fois-ci. J'ai pas nécessairement eu le temps de consulter beaucoup d'articles par rapport à la question du suicide. Ce que je sais, c'est que il y a à peu près une bonne cinquantaine de personnes au Canada qui sont mortes de ça après s'être enlevé la vie. Donc je me propose de vous revenir là-dessus. Oh, c'est une prochaine fois. Non, mais c'est maintenant rendu à toi. Ouh, la chronique culturelle. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, maman. Donc, la dernière fois, je vous ai énuméré une liste de films d'Halloween, de films d'horreur, mais j'ai oublié des choses. Donc, je vais corriger le tir. J'ai oublié de mentionner... j'ai parlé de la série de films Fantasmes. Okay. J'ai oublié de dire que le cinquième s'en vient. Okay. Il était supposé sortir cette année, mais en fin de compte, il est reporté. Ils n'ont pas réussi à trouver un distributeur, donc ça devrait être normalement l'année prochaine. Et j'ai aussi oublié de mentionner un chef-d'œuvre de film d'horreur qui n'est pas vraiment effrayant, mais qui est absolument excellent. C'est un film japonais appelé House, ou aussi parfois appelé Aosu, parce que les Japonais prononcent bizarrement le mot house. Donc, j'enchaîne avec aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler d'une liste des meilleurs films de Noël. OK, hein, c'est à peu près dans le temps. C'est à peu près dans le temps. Par contre, c'est une grosse différence. Avec l'Halloween, on peut regarder plein de films d'horreur. Il y en a plein qui sont excellents, comme il y en a plein qui sont mauvais. Et il y en a plein qui sont excellents. Noël, il n'y en a pas tant que ça qui sont bons. Hein? Ceux que je vais citer, ce sont de bons films, mais ce sont peut-être pas les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Là. Donc, un film qui est toujours intéressant, c'est Tim Burton's Nightmare Before Christmas. C'est un film de Disney avec des marionnettes. Okay. Qui est un peu comme un à mi-chemin entre l'Halloween et Noël. Mais malgré le titre, ce n'est pas un film réalisé par Tim Burton, c'est basé sur une histoire qu'il a écrite et c'est inspiré par des designs qu'il a fait. Il a participé au film en tant que producteur, je crois, mais c'est pas lui qui l'a réalisé. Tim Burton, qui semble bien aimer parler de Noël de façon effrayante, a fait aussi Edward Scissorhands. Ah, c'est un très bon film. Très, très bon film. Je pense que c'est parmi tes préférés. Non, pas parmi mes préférés, mais c'est un très bon film. Et ça, c'est dans la thématique de Noël, malgré qu'ils soient un peu effrayants. Des films qui n'ont pas grand-chose à voir avec Noël, mais qui se passent à Noël. Die Hard 1 et 2. OK. C'est un film d'action. Oui, un film d'action avec Bruce Willis. Aussi, un autre film qu'on a vu ensemble et qu'il me semble que tu avais bien aimé, moi j'apprécie beaucoup, c'est Tokyo Godfather. C'est un film d'animation japonais qui se passe pendant les fêtes à propos de clochard qui trouve un bébé. Très bon film. Aussi, une comédie française qui est toujours bidonnante à regarder, c'est Le Père Noël est une ordure. Parlant de comédie, un classique américain, Home Alone. Avec ça passe il y a quelques jours, je pense. Ouais, ça passe tout le temps à TV. Ça joue plus très souvent. Hein? Ouais, puis c'est toujours amusant. Un autre film que Personnellement, j'ai pas tendance à aimer beaucoup de films de Noël parce que souvent, il y en a qui sont larmoyants ou pas si intéressants que ça. Un qui est un peu larmoyant, mais qui est amusant et nostalgique, c'est Christmas Story, un classique. Parlant de classique, tout le monde connaît le conte de Noël de Charles Dickens, un texte écrit par Charles Dickens assez connu, qui a connu de nombreuses adaptations, dont le très amusant Scrooge, avec Bill Murray. C'est amusant. Sinon, un autre film qui n'a pas vraiment marché à sa sortie en salle, mais qui est intéressant, c'est Toys, avec Robin Williams. Et il ne faut pas oublier non plus, même si ce ne sont pas nécessairement des films de Noël en tant que tel, on a au Québec la tradition de ciné-cadeau, avec tous les années les nombreux Astérix, Lucky Luke, Tintin, mais aussi surtout des dessins animés internationaux de grande qualité. Noël, c'est aussi une occasion de voir des films classiques, pas nécessairement de la thématique de Noël. C'est aussi une occasion de fêter et de voir des amis. Donc, n'oubliez pas de fêter et d'aller voir vos amis. Mais maintenant, je vais vous parler de films relativement classiques. Casino, un film de 1995, qui est un millénième film sur le sujet du crime organisé. Après la trilogie de Godfather, Scarface, Once Upon a Time in America, Goodfellow et de nombreux autres, il y a Casino, qui est du même réalisateur que Goodfellow, Martin Scorsese, avec les deux mêmes acteurs principaux, Robert De Niro et Joe Pesci. C'est le même genre de rôle, des gangsters. Je serais d'ailleurs assez curieux de voir leur apparition au Saturday Night Live. Il paraît que c'est très amusant de ces deux acteurs. En général, ce genre de film est d'un style assez classique. C'est épique, un grand drame familial, avec un impact sur plein de gens, des scènes spectaculaires. Casino est différent. Malgré une durée de 3 heures, ce n'est pas vraiment un film épique. C'est beaucoup plus personnel. Plutôt que de voir en détail les relations émotives reliant les gens du crime organisé et de nombreuses scènes de crime, on voit le quotidien des personnages, avec du crime bien sûr, mais ce n'est pas ce qui le caractérise. C'est très personnel du point de vue des deux personnages. Les deux mènent d'ailleurs le film en alternance en tant que narrateur à la première personne. Plutôt que de voir les différents moments dramatiques soulignés en long et en large des personnages, on voit leur vie sur la période concernée par le film, par un montage rapide de nombreuses scènes généralement assez courtes. On s'attarde peu. C'est plus la vie en général que des moments en particulier. Le tout illustre la vie des protagonistes. Ce montage rapide tend aussi à être très dynamique par moments, avec une utilisation intéressante de la musique qui accompagne une série de courtes scènes et par moments s'interrompt brusquement, accompagnant le rythme du montage dans une certaine mesure avec ce montage rapide, dynamique, accompagné de musique et de narrations diverses. J'avais presque l'impression de Natural Born Killer. Uniquement par le moment, bien sûr, c'est pas aussi poussé, c'est pas aussi extrême, mais c'est tout de même très notable. Le film commence d'ailleurs par des sauts narratifs. On commence par une scène presque à la fin du film. On revient un peu avant, puis des années plus tard. Ce découpage ne m'a pas semblé gratuit. Il permet de voir un peu le film sous un angle différent, de présager de ce qui va suivre, tout en mettant un peu sur une fausse piste. La fin étant un peu différente de ce qu'on croit qui va arriver avec ce début. Pas un retournement de situation inattendu, exagéré. C'est un twist. C'est pas un twist juste pour avoir un twist. C'est pas un film de M. Night Shyamalan comme Sixten ou Unbreakable. Cette impression du début de ce que sera la fin contribue aussi à colorer le film, et cette fin est assez intéressante. Je suis pas gentil, je préfère la vraie fin que ce que je croyais que ce serait. Ce point de vue personnel illustrant le quotidien plus que les moments dramatiques, ce montage, cette narration, donnait un style assez particulier au film qui le rend très différent selon moi des autres films du genre. Ce que j'ai fortement apprécié personnellement. Bien que j'apprécie les autres films, je dois avouer que je préfère celui-ci. Le Parrain et sa première suite sont des classiques incontournables, mais le troisième n'est pas indispensable. Once Upon a Time in America traîne un peu trop en longueur. Scarface est épique et amusant, mais ne me donne pas l'impression d'être tellement riche, songé, émotionnellement impliquant. C'est plus cool qu'autre chose. Bien que je ne l'ai vu il n'y a pas si longtemps, je me souviens à peine de Goodfellow. J'aime beaucoup cette approche. Le jeu des acteurs n'est pas particulièrement notable, mais il est très correct, tout à fait approprié. Le casting est parfait. On a choisi des acteurs qui collent parfaitement avec leurs personnages. On les fait bien jouer, mais avec une retenue. Le personnage de Robert De Niro n'est pas du genre très démonstratif. Celui de Joe Pesci s'exprime plus par ses gros mots. Je suis surpris que Sharon Stone ait remporté un Golden Globe et été nominée aux Oscars. Sa performance était très correcte, mais ne m'a pas semblé un rôle si tant exigeant que ça. Pas vraiment une grande palette d'émotions. Mais bon, je ne suis pas un acteur. Qu'est-ce que j'en sais? L'important est que ça marche. Ce jeu des acteurs correspond au style du film, qui montre plus le quotidien de la vie de ses personnages ou en color, plus qu'un grand dame épique. La photographie est bien aussi. On ne se dit pas en voyant les plans « Waouh, quelle photographie géniale !» Mais tout est beau, classe, sert la narration et le style du film, s'harmonise avec le type de montage, c'est très bien fait, sans nuire à la narration. Juste pour faire style. Les musiques sont bien aussi, elles sont variées. Il y a bien sûr un peu de musique classique, par moments dans le style des musiques de ce genre de film, mais il y a aussi diverses musiques populaires. Il y a un détail qui m'a amusé, quand les choses se sont mis à mal aller durant la seconde moitié du film, le film utilise deux musiques de Devo dans un restaurant. Il y a leur plus grand succès, Whip It. Et dans un moment plus dramatique, on utilise I Can't Go, No Satisfaction. À la façon du film, soit jouer un moment puis arrêter brusquement, puis brièvement remis un peu après, comme quoi Devo accompagne bien la dégénérescence de la situation. Je suis surpris qu'on critique tant la violence du film. Oui, c'est violent, bien sûr. C'est inévitable vu le sujet. Mais la violence ne m'a pas semblé gratuite, abusée ou gore. On est loin de Scarface, Toxic Avenger ou Ninja Scroll. Ce qui m'a semblé le plus marquant pour limiter l'âge est la forte quantité de gros mots. Les sous-titres très québécisés m'ont d'ailleurs fait rire. Oui, même si je comprends l'anglais, j'ai tendance à écouter avec des sous-titres au cas où il y aurait des détails que j'aurais mal compris à l'audio. De toute façon, les sous-titres sont devenus une seconde nature pour moi à force de regarder des vidéos étrangères de langue ni française ni anglaise. Comme on le remarque, j'ai beaucoup aimé le film, mais je suis un méchant comme je l'ai déjà dit. J'hésite à qualifier ce film de chef-d'œuvre. Sans aucun doute, c'est un excellent film et un des meilleurs films de gangster. Je lui donnerai donc une note de 4 sur 5. Pour ceux qui se souviennent de ma notation, 5 est un chef-d'œuvre. 4 est un film excellent qui réussit parfaitement à obtenir son objectif. 3 est un divertissement correct. 2 est un film moyen. 1 est un film mauvais. 0 est une nullité absolue telle qu'un discours de Stephen Harper. Je vais maintenant vous parler de Barefoot Gen et sa suite Barefoot Gen 2. Je devrais dire Barefoot Gen. Gen d'Hiroshima en français. Le titre original est Adachi no Gen. Deux films qui ont été produits en 1983 et 1986. Ce sont deux films animés japonais. Le premier a été réalisé par Mori Masaki et le deuxième par Toshio Hirata, Les deux ont été écrits et produits par Keiji Nakazawa. Et c'est adapté d'un manga de Keiji Nakazawa en 10 volumes qui date de 1973 à 1974. Ce n'est pas une biographie à proprement parler, mais Keiji Nakazawa s'est inspiré de sa propre expérience. Ce n'est pas parce que c'est le titre du film que le sujet est Gen, qui marche nu, pied, bien qu'il soit fait mention que Gen, le personnage principal, aime bien marcher ainsi. Cela raconte la destruction d'Hiroshima par la bombe atomique à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la survie qui en suit du point de vue d'un enfant. Au début du premier film, on voit la vie de famille de jeunes durant les conditions de la guerre. Cela permet d'apprendre à connaître les personnages et de pouvoir suivre l'émotion de ce qui va leur arriver. Alors que Jeanne s'en allait à l'école, la bombe est lâchée. Heureusement, Jeanne survit, mais au milieu de l'horreur qui arrive, il va retourner à sa maison retrouver sa famille. Qui va survivre? Quel drame va-t-il arriver? Le restant du film s'intéresse à la survie des protagonistes toujours en vie dans l'immédiat après la tragédie. Le second film reprend nos survivants 3 ans plus tard. Nous pouvons y voir comment ils se portent, les conditions difficiles de la reconstruction du Japon, la destruction et la pauvreté. Nos héros vont rencontrer un groupe d'enfants orphelins qui survivent en volant et trafiquant. Le premier film contient son quota d'images horribles qui risque de nous marquer pour toujours. Mais ce n'est pas un film d'horreur, c'est une reproduction de la réalité. Je crois qu'il est important de voir ces images. Ce film est un film important. Il nous permet de voir et de réfléchir sur les horreurs de la guerre, de la destruction, de l'atomique. On peut dire que ces films ont un certain rôle didactique, mais je ne crois pas que cet aspect soit trop présent. Il y a bien par moments un narrateur qui explique certains détails, mais pas trop souvent, et il n'est présent que dans le premier film. Le second film, se déroulant après, montre bien sûr bien moins d'images horribles, quoique une brève scène de cauchemar au début du film nous les rappelle grâce à la magie du flashback, mais il ne faut pas oublier les méfaits à long terme de la bombe atomique, tous les gens qui meurent de la radioactivité, la misère et les méfaits psychologiques. Si je trace un portrait sombre jusqu'à présent des deux films, ce n'est pas parce qu'ils ne sont qu'horreur et tragédie, mais parce que c'est un aspect important de ces films et qui sont essentiels à comprendre. L'horreur de tout ça. Mais malgré quelques images horribles dans le premier film et des moments de grande tristesse, ces films ne se morfondent pas dans le mélodrame et dans l'horreur. Je n'ai pas l'impression que la sauce soit étirée. Les films insistent beaucoup sur les moments relativement heureux, sur la joie que l'on peut trouver. Même si ce sont des films qui reflètent l'horreur de la situation, ce sont, il me semble, plus des films sur la survie et sur la vie. Je l'ai déjà vu, ça. Pas que je sache. Hein? Barefoot Jen peut faire penser un peu au Tombeau des Lucioles, de par son sujet, les horreurs de la guerre vues par des enfants, mais la situation et le traitement sont assez différents. Ici, ce n'est pas des bombardements, mais les effets de la bombe atomique qui a massacré une population de manière effrayante, créé des images d'horreur provoquées de la maladie. Mais au final, cela se termine un peu plus positivement. Il y a aussi des moments de bonheur dans le Tombeau des Lucioles, mais je ne suis pas sûr que c'est ce qui se ressort le plus au final. Bon, aucun des réalisateurs n'est Takahata, et l'animation n'a peut-être pas tout à fait le même niveau qu'un film du studio Ghibli. Mais cela n'empêche que ces deux films, les deux Barefoot Gen, sont très bien faits, fort émotionnellement, efficaces, d'une animation d'un bon niveau, très bien réalisée, et surtout, ce sont des films importants. Le Tombeau des Lucioles me semble bien sûr lui aussi un film important, mais ce n'est pas le même film. Je donnerai donc à Barefoot Gen 1 et 2 une note de 5 sur 5. Ouh. C'est un chef-d'œuvre à voir. Ah, c'est quelque chose, là. Vous serez changé à jamais. À moins que vous ayez vu beaucoup d'images sur Hiroshima. Ah, c'est une très bonne chronique. Ouais. On espère que vous avez aimé. Oui, tout à fait. Et que vous nous enverrez des commentaires et des questions. Et nous avons été heureux d'être avec vous pendant ce 4e épisode. Et, si on ne se revoit pas, comme on dit, ben on vous souhaite un joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Et une bonne année. Bonne année. Un merveilleux temps des fêtes. Oui, et puis que vous... L'important, c'est de le fêter et de sourire. Ouais. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.